ciel devient orange. La nuit quand tout est très étrange. J'aime bien chanter sur scène le soir, quand dehors la nuit est bien noire. J'aime bien aussi quand il fait gris, qu'il pleut sur l'avenue d'Italie. J'aimais aller chez mon grand-père, manger des raisins encore verts. Oh oui, j'aime. Oh oui, j'aime les couleurs de la terre, les couleurs de la terre. J'aime bien la mer et le ciel bleu. J'aime les chansons qui rendent heureux. J'aime aussi Johnny Hallyday quand il met son costume violet. J'aime les pissenlits et les roses, ça me rappelle tellement de choses. Le drapeau rouge qui flotte au vent, la fête de l'UMA tous les ans. Oh oui, j'aime. Oh oui, j'aime les couleurs de la terre, les couleurs de la terre. Mais je suis sûr qu'au ciel, il y en a de plus belles. J'aime bien manger des marron chaud, l'hiver quand je sors du métro. J'aime bien voir des mouettes toutes blanches qui remontent la Seine le dimanche. J'aime bien le jaune d'or du soleil le matin quand je me réveille. J'aime bien la couleur de tes yeux, c'est ça qui me rend le plus heureux. J'aime. Oh oui, j'aime les couleurs de la terre, les couleurs de la terre. Mais je suis sûr qu'au ciel, il y en a de plus belles.